Et comment vous êtes venu à la lutte bah, parce qu'à Mirecourt, tout le monde était luthier à l'époque. Ah oui, presque tout le monde, vous savez. J'avais un frère qui était luthier, mais il a été tué à 14.